se faire des réserves. Donc, j'ai décidé aujourd'hui de me faire des réserves. J'en avais déjà pas mal en inventaire depuis les dernières semaines. Mais là, j'ai rempli à fond mon inventaire de réserves. Sans doute, vous allez vous poser la question, mais pourquoi? Pourquoi? Ben, tout simplement, il n'y a rien de sorcier là-dedans. C'est que j'écoute des bulletins de nouvelles depuis un certain nombre de jours. Les lanceurs d'alerte aussi, donc les deux côtés de la médaille, les médias officiels et alternatifs. Et puis, il est prévu y avoir une manifestation importante à Ottawa des camionneurs, donc qui est prévue pour le 28 janvier. Et c'est particulier parce que c'est des camionneurs d'un peu partout du Canada. On parle de la Colombie-Britannique, donc des différentes provinces, dont le Québec où je me trouve, qui vont se réunir à Ottawa. Et c'est pour s'opposer à l'obligation de l'injection pour pouvoir franchir la frontière. Donc, depuis le 15 janvier de l'année 2022, les camionneurs qui veulent rentrer au Canada doivent être injectés adéquatement pour pouvoir franchir la frontière. Sinon, ils doivent passer 2 semaines là, en confinement et également réaliser un test là, en lien avec le virus. Donc, il y a des gens qui protestent contre ces mesures et je les comprends très bien d'agir ici. Et donc, à ce moment-là, ce qu'ils veulent faire, c'est un rapport de force avec le gouvernement et en allant à Ottawa, qui est le lieu où est le Parlement du Canada et où ce que va se trouver là, les députés fédéraux et peut-être, s'ils sont chanceux, le premier ministre du Canada. Donc, ils font ça comme moyen de pression. J'en parle parce que je trouve que c'est quand même une initiative intéressante. Une initiative qui, dans le fond, représente le ras-le-bol de plusieurs Canadiens, parce qu'il y a des gens d'un peu partout au Canada qui vont aller là. Et on va voir si ça va changer la donne dans le rapport de force entre les camionneurs et le gouvernement. C'est sûr que, dans le fond, la mesure de demander d'être injecté adéquatement pour franchir la frontière, ben, par rapport aux camionneurs qui étaient jugés comme étant des employés essentiels jusqu'au 15 janvier, parce que ça fait quand même là, depuis presque 2 ans là, qu'ils franchissent la frontière en période de crise. Eh bien, je me pose la question de la pertinence, parce que les camionneurs passent, dans le fond, peut-être au-dessus de 95% de leur temps dans le camion. C'est sûr qu'ils vont aller à des endroits décharger des choses, mais aujourd'hui, avec la technologie, bon, pour prendre l'inventaire de la marchandise, bon, ben, quelqu'un a un pad électronique, la personne n'a pas besoin de signer non plus des documents ou être proche d'une autre personne. Donc, c'est pas les camionneurs, si on le prend au niveau de la logique de base, c'est pas des gens qui vont travailler au public, qui sont exposés à plusieurs personnes comme une préposée aux bénéficiaires ou une infirmière. Et puis, dans le fond, sinon, ben, ces mesures-là qui sont imposées naturellement, ça viole leurs droits et libertés. Et je les trouve carrément abusives, là, ces mesures-là. Fait que moi, je suis d'accord avec eux qui manifestent. Et c'est sûr qu'en relation avec ça, ben, je me suis fait des réserves. J'en avais déjà fait dans les dernières semaines. Et ce que je veux vous dire, c'est qu'un des scénarios qu'avait évoqué Stéphane Guay avec Isabelle de Conscience du Peuple de Médio Info Cité TV, donc vous pouvez retrouver là, sur YouTube et Odyssey. Je pense que Odyssey, c'est ce que je vous proposerais d'aller à la base pour leur chaîne. J'en avais déjà parlé de leur chaîne. Il y a beaucoup d'éléments intéressants et il y a beaucoup de vidéos. Donc il y a des vidéos sur Odyssey qu'il n'y a pas sur YouTube par rapport à eux. C'est une belle équipe. Et il invoquait la possibilité d'une rupture de la chaîne d'approvisionnement, donc liée au transport par camion. Et si la tendance se maintient, eh bien, dans les prochains jours, ça pourrait arriver, dans le sens que s'il y a des milliers de camionneurs qui sont là et qui ont pour volonté ferme d'être à Ottawa puis d'occuper l'espace tant aussi longtemps que le gouvernement ne reculera pas par rapport à une obligation que les gens soient adéquatement injectés pour franchir la frontière. Ben, s'ils restent là pendant plusieurs jours, ben, à un moment donné, les étagères risquent de se vider des différents magasins. Donc, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'en ai profité aujourd'hui. J'ai regardé mes inventaires. Bon, il me restait encore plein de poches de riz. J'ai acheté des trucs en complément, là, comme des boîtes de conserve, des choses qui se conservent longtemps, tu sais, des haricots noirs, ensuite des pois chiches en canne de conserve et des denrées de base que je veux pas manquer. Hein? S'il y a une rupture de la chaîne d'approvisionnement, du savon, c'est sûr... dans le fond, du détergent de vaisselle, ensuite du détergent pour laver les vêtements, là. Mais surtout, le papier toilette. Donc, au printemps 2020, il y en avait manqué, des rouleaux de papier de toilette ici au Québec. Et là, je m'en suis procuré. Je me suis procuré plein de choses avant que... En tant que non injecté, je ne puisse plus avoir accès à la sac. Ben, j'ai fait des réserves de bouteilles de vin. J'en avais acheté une douzaine, donc j'en ai pour un bon bout de temps. Et puis, il faut faire face à la situation présente. C'est sûr que j'applaudis l'initiative des camionneurs parce qu'enfin, des gens qui se tiennent debout. Ce qui est intéressant de voir, ça va être la couverture médiatique ou non qui va être faite. Par les médias. Là, j'ai vu que, dans le fond, il y avait TVA qui qualifiait ces gens d'être des anti, le mot qui commence par V. Donc, pour les discréditer, au lieu de dire que c'est des gens qui sont pro-choix ou des gens qui sont pas d'accord avec l'obligation, non, on les met dans une polarité. C'est comme les lanceurs d'alerte. Dans les médias, c'est toutes des anti avec le mot qui commence par V. Tu sais, ça peut. Puis il y a des gens qui, depuis le début, si je pense à Journage Colline, Dan Pilon, ils répètent constamment qu'ils sont pro-choix en matière d'injection. Mais c'est comme si on les médias veulent pas l'entendre, puis ils veulent les diaboliser en les catégorisant dans une catégorie limitative pour les discréditer. Donc, c'est ça qu'on observe. Et là, ce qui va être intéressant de voir. C'est que les médias de masse, comment ils vont réagir par rapport à eux autres. Donc, 5 prochains jours sont des milliers à Ottawa. Et à ce moment-là, qui sont sur les lieux, est-ce qu'ils vont chercher à les discréditer? S'il manque des inventaires à l'épicerie, est-ce qu'ils vont être blâmés? Est-ce qu'ils vont dire « Ah, c'est à cause des non-injectés qu'on manque de nourriture sur nos étagères dans les prochains jours que certaines denrées qui manquent? » Est-ce qu'on va chercher de faire d'eux des boucs émissaires ou il y aura une remise en question de la mesure qui a été prise par le gouvernement d'obliger ça, qui va être faite? Puis on va regarder comment que la population va réagir aussi. La population, les réactions, on les voit au niveau des réseaux sociaux. Est-ce que les gens de la population vont soutenir les conducteurs de camions ou au contraire... vont les accuser un peu comme les gens qui voyagent dans d'autres pays, ils traitent de touristes tatars ou qui les gens qui vont culpabiliser les non-injectés en général, comme le font certains chroniqueurs vedettes. On va voir les réactions. C'est un dossier à suivre intéressant, mais quand que je le regarde logiquement, d'amener ces gens-là à se faire injecter... Alors que c'est pas des gens qui sont exposés directement au public, là, si on prend la logique de base. Je vois pas vraiment la logique derrière ça. Et c'est sûr que la possibilité qu'il y ait une pénurie de nourriture qui avait été annoncée avec Stéphane Guy et Isabelle Dupeuple, c'est un scénario en lien avec les camionneurs qu'éventuellement ils demanderaient que ça soit injecté. Il y a plusieurs mois, j'avais vu ça là, à Conscience du Peuple. Puis, j'avais pris en considération ce scénario-là. Et puis là, j'ai l'impression qu'il est en train de s'actualiser là, sous mes yeux. On verra bien qu'est-ce qu'il y en a. Peut-être qu'il n'y aura pas... Ça va se régler rapidement. Puis, Justin Trudeau, premier ministre du Canada, va accepter leur demande dans les prochains jours. Puis, ça va se régler en douceur. Peut-être. Je sais pas. Il faut se permettre d'être optimiste aussi, naturellement. Ou peut-être qu'ils vont occuper leur position pendant plusieurs semaines... Et là, les quantités de denrées sur les tablettes vont diminuer parce que ces gens-là, alors qu'ils sont pas occupés à transporter la marchandise, ben la marchandise, elle se transporte pas tout seul. Puis d'autant plus qu'il y a présentement de pénurie dans le domaine du transport par camion. Mais quoi qu'il en soit, ce que je voulais vous dire par rapport à ça, c'est que c'est un événement qui pourrait être un point tournant en relation avec le rapport de force entre le gouvernement et certaines personnes de la population par rapport aux mesures. On verra bien qu'est-ce qui va en découler. Sinon, dans un autre ordre d'idée, ben je regarde les points de presse. Puis là, progressivement, au Québec, on parle de possibilité de réouverture, mais on ne parle pas d'en revenir en arrière par rapport au passeport lié à l'injection. Et puis là, récemment, il y a eu le passeport là, qui a été mis en place pour les superficies de 1500 mètres carrés et plus. Donc, on parle de grosses chaînes comme ici au Canada, Canadian Tire, Costco. Par rapport à ça, là, il y avait un article qui circulait. La population, il y a une acceptabilité sociale par rapport à ça. Donc, moi, j'ai l'impression que le nombre de cas augmente, qui diminue, qui ait ou non des effets importants secondaires liés à l'injection. Le gouvernement, dans le fond, le passeport, le code QR, il va chercher ça, à garder ça plus longtemps possible comme mesure, j'ai l'impression. Bon, le couvre-feu, il a tombé il y a quelques jours. Ça, c'est une chose, mais le fondement de la nouvelle société que certains membres de l'élite mondiale cherchent à mettre en place, c'est vraiment le code QR pour faire chacun de nous éventuellement des citoyens numériques, des citoyens qu'on appelle 2.0, des citoyens qui sont totalement traçables par les lieux qu'ils fréquentent en relation avec leur identité numérique, les transactions financières qu'ils font, ainsi de suite. C'est la nouvelle normalité qu'on veut mettre en place, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on se présente dans un premier temps, on peut scanner un papier. Éventuellement, c'est scanner un téléphone intelligent avec le code QR. Puis éventuellement, ça pourrait peut-être être une puce sous la peau. Puis éventuellement, il peut y avoir des reconnaissances biométriques. Donc, si les gens trouvent ça trop invasif, la puce, pas de problème. On va utiliser la technologie de reconnaissance faciale qui est utilisée en Chine. Et par rapport à certains éléments du visage, puis chaque citoyen est fiché, à ce moment-là, ou la reconnaissance de l'iris de l'œil, à ce moment-là, il n'y a rien sous la peau, puis la personne, elle fait juste passer dans un commerce, on scanne son visage, puis elle va chercher dans les rangées les aliments qu'elle veut acheter, les légumes, les fruits. Elle n'a pas besoin de passer une caisse enregistreuse. Elle fait tout simplement, elle va chercher ce qu'elle a besoin, et scanner à la sortie, automatiquement, en captant son visage à la sortie, le montant des items qui sont également avec, dans le fond, une puce ou un élément numérique sont scannés automatiquement. Donc, avec une espèce de code QR. Donc, il n'y a plus besoin de caissière. Il n'y a plus besoin aussi de caisses automatisées qui sont en train de prendre le pas ici au Québec de plus en plus dans les commerces, comme les supermarchés IGA. De plus en plus, il y a des caisses automatisées qui s'installent. Même chose pour le Walmart. Donc, éventuellement, tout ça, ça tombe. C'est tout simplement vous passez à travers la porte de sortie, vous êtes scanné, les articles qui sont avec vous, ils ont chacun un code barre, sont scannés aussi automatiquement. Dans le fond, vous pourriez à la limite les mettre en dessous de votre manteau, à ce moment-là, vous pouvez sortir avec. Ça, c'est une possibilité par rapport à l'avenir en relation avec l'implantation massive de l'identité numérique. Et là, des enjeux par rapport aux tenants de cette technologie, qui est en relation avec le Great Reset, la grande révolution quatrième, liée à l'ère actuelle dont parle Klaus Schwab, c'est l'adhésion massive. Pour que le système fonctionne, il faut que 100% de la population ait un code QR qui va donner place à l'identité numérique. Fait que c'est pour ça que, je lisais les chiffres récemment, on parle de 92% présentement de gens au Québec qui sont injectés, c'est-à-dire qu'un code QR, puis l'objectif du gouvernement, de ce que j'entrevois, c'est 100% pour que chacun adhère au système. Au même titre que présentement, au Québec, il y a 100% des citoyens qui vont avoir, en tout cas la majorité, une carte d'assurance maladie. C'est ça, vous allez me dire, il y en a peut-être des gens qui ont renoncé à ça. je pense que c'était Guylaine Langteau qui avait renoncé, en tout cas, avait renoncé à son permis de conduire. Et dans le fond, en tout cas, elle, certains appellent Dies, elle est plus opposée à ces choses-là. Je ne parlerai pas de sa situation présente, car je ne la connais pas, mais ce que je peux dire, c'est que derrière la carte d'assurance maladie, et je l'ai fait renouveler, dans le fond, elle a été renouvelée là, récemment, puis il y a un code barre derrière. Même chose pour le permis de conduire. Donc, si chaque citoyen a un code barre derrière ces cartes-là, c'est sûr que, dans le fond, présentement, c'est la normalité. Chaque citoyen qui utilise une automobile a son permis de conduire. Chaque citoyen qui bénéficie des soins de santé publique a sa carte d'assurance maladie. Puis, éventuellement, chaque citoyen qui veut fonctionner en société, ces deux éléments-là pourraient être remplacés par, naturellement, l'identité numérique. Donc, on se dirige vers ça. C'est sûr que si les gens, dans le fond, consentent à ça pour différentes raisons, j'ai l'impression que le gouvernement ne reculera pas devant cette mesure-là une fois que le système sera implanté. Donc, un peu comme la ceinture de sécurité en automobile ici au Québec, à un moment donné, il y a eu des débats, il y en a qui étaient pour, il y en a qui étaient contre, puis aujourd'hui, c'est une normalité, puis les enfants qui naissent, ben depuis leur enfance, c'est normal. Puis moi, ma génération, j'ai grandi avec ça. Et donc, les plus jeunes vont naître avec leur identité numérique. Ça va être comme une normalité, au même titre que l'enfant qui grandit avec le téléphone intelligent entre les mains, il en voit partout. Ben, pour lui, c'est normal. Il n'y a pas vraiment d'adaptation à faire, à la différence de la personne qui, par exemple, est âgée de 60 ans et plus puis qui n'avait pas ça dans son enfance. Donc, quand que les gens n'ont pas connu ça, ben ils peuvent avoir une ouverture ou non à la technologie. Tandis que s'ils naissent et la technologie est là, c'est comme s'ils l'intègrent par défaut. Puis là, ça devient plus difficile de dire un non ou de le remettre en question. Un peu comme, par exemple, le Québec où il y a eu la sortie des gens de la religion. Donc, les gens au Québec naissaient massivement dans des familles catholiques. Donc, une branche du christianisme. Et comme les gens se faisaient baptiser dans l'enfance et étaient amenés à l'église tous les dimanches, bon, ben ça prenait de la volonté des personnes qui étaient dans ce système-là de prendre une distance pour vouloir en sortir. Parce qu'ils naissaient avec ces paramètres-là par défaut en termes de programmation sociale. Et ça prend beaucoup plus d'énergie de s'y opposer une fois que c'est solidement installé puis qu'il y a un gros mémoriel sur plusieurs générations qui est mis en place par rapport à ça. C'est sûr que la civilisation québécoise est quand même jeune. Je dis civilisation, mais c'est pas un mot adéquat. Donc, la société québécoise, on a à peu près ici 400 ans d'histoire. Bon, ben c'est sûr que de défaire certains éléments, ça peut aller plus vite, mais n'en demeure pas moins que lorsqu'un système est implanté, la génération qui connaît l'implantation d'un nouveau système, elle peut être ouverte ou réfractaire. Puis une fois que c'est implanté, l'autre qui grandit, puis c'est par défaut, là, ça devient plus difficile de remettre ça en question ou apporter des changements par rapport au système parce que à mesure que ça s'ancre dans les habitudes, ça devient une seconde normalité. Donc, tout ça pour vous dire que je continue à ne pas être injecté. Et je tiens bon et je me prépare un peu comme quelqu'un qui se prépare à un siège d'une ville. Et j'ai fait mes réserves, mais j'ai des poches de riz, j'ai de l'eau en bouteille, j'ai différentes choses. Et je suis prêt à différentes éventualités. C'est sûr que on s'entend, les poches de riz, c'est bon pour plusieurs mois. Même chose pour les boîtes des cannes de conserve que j'ai achetées, différentes choses. Bon, ben si je les passe pas d'ici 2-3 semaines, c'est pas grave, c'est bon pour plusieurs années, là. Donc, puis de toute façon, avec l'inflation galopante, bon, ben en achetant ces denrées-là maintenant, elles risquent de me coûter moins cher que si j'achèterais dans 3 ou 6 mois. Surtout si, à cause des manifestations des camionneurs, il y a une rupture de la chaîne d'approvisionnement. Donc, ça peut créer une rareté de nourriture, ce qui peut amener une augmentation des prix, hein, avec l'offre et la demande. Donc, s'il y a autant de demandes, mais il y a moins d'offres, étant donné qu'il y a moins de nourriture qui sont véhiculées des États-Unis, Bon, ben, à ce moment-là, les prix risquent d'augmenter naturellement. Aussi, ce qui risque d'arriver dans les prochains mois avec l'endettement du Canada, ben, on peut s'attendre que les impôts et les taxes augmentent. Parce que là, Justin Trudeau, ça fait presque 2 ans qu'il dépense à coups de milliards et de milliards, de multiples milliards un peu partout. Bon, ben, à un moment donné, qu'est-ce qui risque d'arriver? Les impôts puis les taxes risquent d'augmenter. Puis en même temps, ben, il y a l'augmentation du coût du carburant, de l'essence. Donc, si l'essence augmente à ce moment-là, qu'est-ce qui risque d'arriver? Bon, ben, ça veut dire que le coût du transport, notamment par camion, risque d'augmenter. Puis s'il y a moins de camionneurs, bon, puis ces gens-là font plus d'heures supplémentaires, bon, mais ben, ça risque qu'ils chargent plus de salaire. Puis s'il y en a moins aussi, ben ça risque de coûter plus cher pour les déplacements. Donc, il y a un effet de boule de neige qui peut amener une inflation galopante là, dans les prochains jours, les prochaines semaines, les prochains mois. Peut-être que ça n'arrivera pas, puis tout va bien aller. Au début de la crise, il y avait l'image de l'arc-en-ciel que les gens mettaient dans leurs fenêtres. Ça, c'était durant le printemps 2020. Puis ils disaient « ça va bien aller », puis… c'est juste une petite période temporaire, c'était juste un petit confinement de 2 semaines qui est devenu juste un petit 2 mois, puis finalement, c'est juste un petit 2 ans, mais ah, non, non, ça va bien aller, là. Vous allez voir, là, ça va. On verra bien. Qu'est-ce qui va bien aller, puis pour qui? Parce que là, il y a des responsabilités très lourdes aux dirigeants du Canada, du Québec aussi, là. Parce que là, s'il y a des gens qui manquent de nourriture dans les prochains jours, les prochaines semaines, à cause que le transport par camion est très limité avec les gens qui manifestent à Ottawa, ben là, s'il y a des gens qui sont défavorisés, qui ont de la difficulté à s'alimenter, bon, les familles plus pauvres, ainsi de suite, ben ces gens-là ont des responsabilités, puis je suis pas sûr que ces gens-là vont nécessairement, tout dépendant de leur perception aussi, puis comment va être construite la crise dans les médias, vont avoir envie de voter pour leurs dirigeants. Parce que depuis le début de la crise, bon, on entend parler que des gens qui sont pour, qui sont contre, mais la plupart des citoyens du Québec, avec les programmes gouvernementaux qu'ils ont eu et qui n'ont pas été atteints non plus au niveau de leur estomac, la capacité d'avoir accès à de la nourriture. Bon, ben, il y en a qui sont pour, il y en a qui sont contre, mais comment dire, il y a peu, en tout cas, il n'y a pas eu une remise en question massive des mesures où il n'y a pas eu de boycott des commerçants là, par rapport, si on regarde ce qu'il y a eu cours récemment qui a été implanté, bon, ben, les grandes surfaces de magasins, les commerçants, oui, il y en a qui s'opposaient à ça, mais finalement, de ce que je vois quelques jours après l'implantation, selon ce qui est véhiculé dans les médias de masse. C'est sûr que je n'ai pas un portrait global et objectif, mais ça a l'air avoir, comme on dit en bon québécois, passé comme sur du beurre sur la poêle, c'est-à-dire qu'il y aurait une acceptabilité sociale à la fois des commerçants puis des gens là, par rapport à présenter un passeport à chaque fois qu'ils entrent dans les commerces. Donc, c'est ce qu'on nous véhicule. Mais qu'est-ce qu'il y en a de la réalité? C'est autre chose. C'est sûr qu'en complétant l'enregistrement, la question que faire par rapport à la situation présente, ben, moi, la façon que je vois ça, c'est que, comme je l'ai dit, je me suis fait des réserves de nourriture, puis je maintiens mon point que je suis en désaccord avec le code QR parce que c'est un danger précédent qui peut mener à une identité numérique, au crédit social, à la Chine, puis à la surveillance globale des citoyens. Donc, c'est une invasion subtil de la vie privée qui se peut faire dans les prochaines semaines, les prochaines années en relation avec ça, où la notion de vie privée va être appelée à disparaître parce que tout ce qu'on va faire en lien avec les achats, donc si la monnaie de papier et de pièces d'or est remplacée par la monnaie numérique, si tout ce qu'on fait sur Internet aussi est tracé puis fiché, ben on peut dire adieu à la vie privée, là. Donc, on se dirige vers un changement de civilisation, puis l'entrée dans l'ère de plein fouet là, du numérique là, par une espèce d'immersion intensive. Et donc, le numérique, oui, ça a des utilités. Je vous parle à travers Internet, mais il y a quand même des limites par rapport à ça, à mon avis, qu'il doit y avoir, qui ne doit être dérogé. Puis, c'est sûr que les camionneurs, à mon avis, c'est leur droit là, de vouloir ou non être injectés. Ça devrait être une décision individuelle libre et éclairée, comme à chaque citoyen. Je ne demeurerai pas de ce principe-là. Je l'ai déjà abordé dans d'autres capsules, mais il est tellement fondamental. C'est que quelqu'un qui va prendre une substance, eh bien, il faut que la personne soit libre. C'est-à-dire que c'est pas sous la contrainte puis la menace. Or, ces gens-là sont menacés de pas pouvoir rentrer au Canada, puis circuler librement. Puis, faut que tu te mettes en quarantaine. Mais non, c'est de la menace, ça. Ces gens-là sont pas libres. Puis éclairés, ça veut dire être conscient des impacts de la substance sur la personne. C'est quoi les impacts sur le corps biologique? Est-ce qu'on connaît les impacts, par exemple, à moyen et à long terme, et aussi les impacts liés au cumul de plusieurs doses? Parce que là, présentement, il y a peut-être des camionneurs qui m'écoutent, puis ils ont deux doses. Fait que là, nous autres, on est adéquatement injectés, c'est correct. Mais là, je dis à ces gens-là, si au moment où la troisième dose va, dans le fond, entrer en fonction pour être considérée comme étant adéquatement injectée, probablement dans les prochains jours, ben, vous ne serez plus considéré comme adéquatement injecté. Ça va être en fonction du nombre de doses qui sera déterminé par les autorités gouvernementales. Fait qu'à un moment donné, peut-être ça va être 4 doses, 5 doses, 6 doses, puis dans le fond, un abonnement de doses à chaque année, là. T'sais, ça peut être sans fin, là. Parce que des virus, imaginez-vous donc, qui peuvent muter sans fin. Ça n'a pas de bout. Les mutations là, qui peuvent être faites, là, il peut y avoir différents variants, mutants, puis non. Depuis l'histoire de l'humanité, même avant que les êtres humains existent sur Terre, il y avait des virus, puis ça ne remonte pas à hier, puis ils se reproduisent, puis ils changent, puis ça fait partie de la vie. Que voulez-vous que je vous dise? Donc, tout ça pour vous dire que ma volonté de ma position, c'est-à-dire que moi, en tant qu'individu, qu'est-ce que je fais concrètement? C'est que je me fais pas injecter puis je boycotte les commerces qui demandent le passeport. C'est ça que je fais présentement. Si les commerces, dans le fond, ont moins de clients, ben, à un moment donné, peut-être qu'ils vont faire pression au gouvernement pour apporter des changements. Donc, il y a ça. Mais sinon, aussi, qu'est-ce que je fais? Ben, j'exprime à travers le micro mon désaccord par rapport à toutes les mesures qui sont mises en place dans l'optique de contrôler les citoyens de plus en plus. Et j'invite les gens à être lucides là, par rapport à tout ce qui passe. Donc, en terminant ce que je dis, s'il y a des gens d'industrie du transport par camion qui écoutent mes enregistrements, écoutez, Je vous salue et je suis solidaire avec vous, plus particulièrement par rapport aux ceux qui sont opposés là, à l'éjection et qui seront présents à Ottawa, donc dans les prochains jours. Bon courage et c'est là qu'on va voir votre volonté, donc la puissance de la volonté d'individus qui se rassemblent. On va voir c'est quoi, tu sais, il y a des gens qui auront peut-être la volonté d'occuper... À Ottawa, un espace proche du Parlement pendant plusieurs semaines, pendant plusieurs mois. Donc, on va voir la force de volonté de ces gens-là face au gouvernement. Et c'est là que ça va être intéressant, parce qu'il va y avoir un rapport de force. Il y a la volonté des autorités gouvernementales à influencer, entre autres, l'opinion publique, donc la population en général, et du gouvernement aussi avec son agenda. Fait que probablement que les médias officiels et le gouvernement vont travailler main dans la main pour influencer les gens pour qu'ils s'opposent aux manifestations des camionneurs. Puis simultanément, il y a les lanceurs d'alerte sur les réseaux sociaux qui sont opposés aux mesures, qui vont être solidaires avec les gouverneurs, les camionneurs. Fait que la balance de l'opinion publique, vers où elle va pencher, à savoir face au discours narratif officiel ou les gens qui s'y opposent, ben on va le voir dans les prochains jours. Donc, ça peut être une plaque tournante. Qu'est-ce qui va se passer sur le plan historique par rapport à la crise qui se déroule depuis environ 2 ans? Donc, dossier à suivre. Merci de votre écoute et au revoir.